Vous êtes dans la zone 89.1. Dis-moi dans tes oreilles. Le service aux étudiants de l'UQTR vous présente Assemblage requis. Le plan d'aujourd'hui à Assemblage requis. On recevra un joueur ou une joueuse d'improvisation en se rendant dans les coulisses de la huître. On parlera des activités et événements à venir avec le retour de la chronique de la GUQTR et on apprendra des choses qu'on oubliera instantanément dans C'est un fait. Assemblage requis commence tout de suite. Bonjour et bienvenue à l'Assemblage requis en ce lundi 10 février 2014. Je m'appelle Mathieu Plante. Moi, c'est Jean-Philippe Charbonneau. Salut, JP. Salut, Mathieu. Ah, passe une belle fin de semaine. Oui. Ouais. Telle aux nuits polaires, j'entends dire. Oui, dans l'oreille. On me confirme. Breaking news. Oui, monsieur. T'as eu du fun? Oui, on est allé voir Mister Valère. Très bon show. Colin, c'est le fun, ça. Puis on aime ça, des activités de même, hein? Oui! Sortir dehors au froid, comme ça. J'étais bien habillé. Oui, apparemment qu'ils ont annulé les feux d'artifice. Trop de vent. Trop de vent, poussé par le vent. Ça a mis le feu au centre-ville, poussé par le vent. Une deuxième fois, l'histoire se répète. C'était une bonne idée d'avoir annulé, finalement. Oui, peut-être. Ouais. Et puis, ça peut pas être, reporté. C'est trop de logistique. Ah, je peux comprendre. Too complicated. Too complicated. Comme parler. Complicated, c'est parler. Complicated. Ah oui! C'est comme Plicated, là, ça? Oui, bon. Le gars. Ouais, c'est ça. Okay, ouais. Ouais. Aujourd'hui, l'émission, on va avoir à 8h la coulisse. Dans les coulisses de la lutte, ça, c'est la chronique de la Ligue des Professions du QTR. On va parler avec PC Falardeau. OK, cool. Co-animateur, entre autres, des Malhonnêtes, ici même assez fou. Oui. On va lui parler à 8h. À 8h30, Marie-Laurence Audet va faire sa chroniqueuse invitée pour la chronique de l'âge du QTR. Le temps d'une chronique. Une ou deux ou trois ou jusqu'à nouvel ordre. En remplacement pour l'instant. On va faire aussi son foutu palmarès dans l'émission d'aujourd'hui et je vous ai préparé un petit bloc petite saveur olympienne. OK. Des Olympiades. Ben oui, je viens de voir que on vient de gagner l'or au patinage. Es-tu sérieux? Je te le dis, là. Là? Je savais pas ça. Il y a quoi, 9h de distance, je pense? On est ce soir. Ouais, on est ce soir, mais en même temps, Mathieu, on peut vivre le moment présent ensemble. On va essayer. On va aussi, tant qu'à vivre le moment présent, célébrer des fêtes qui ont lieu pendant le mois de février, mais qui ne sont pas la Saint-Valentin. OK. On va faire ça dans son foutu palmarès, mais on va débuter avec C'est un fait dans quelques instants. Mais avant, c'est un fait en musique. OK. On commence avec des gens qui se créent pas mal. Voici Shfield Zoo de Radio-Rano. Comment on Shfield Zoo comme un animal? C'est pas mal cannibal, freak comme un animal. Comment on Shfield Zoo? Comment on Shfield Zoo? Yeah. Comment on Shfield Zoo comme un animal? C'est pas mal cannibal, freak comme un animal. Comment on Shfield Zoo? Ah. Comment on Shfield Zoo? Ah. Ah. Le chihuahua, un panda, iguana. Crossbreed comme un toro in heat. Il faut que tu beats sur la sulamie. Cheap, cheap, viande, ça c'est cheap. So hot dog, ton hamburger, il faut la mille viande. Là c'est zoo, un bourreau gourou. Combinez-vous, ça qui veut l'avoir. On veut l'avoir, so malade dans des cages. J'ai des malades dans des cages. Ouvre la porte, il faut que tu sortes, lush soul. Lush soul, lush soul. Comme un minotaur, pointeau, du mado. Comme un pourri cat, il parait sur kitchen flow. Never mind, j'ai cool cat. Just come in the alleyway. Comme un young buck, what the fuck. J'suis zoo, j'suis zoo. Et ouais, toute la bad rap pour les animaux, pour les animaux, pour les animaux partout. Je file zoo, vis-tu ça, je file zoo, dibbedabedou. Je file zoo comme un animal, c'est pas mal cannibal, freak comme un animal. Come on, je file zoo, come on, je file zoo, yeah. Come on, je file zoo comme un animal, c'est pas mal cannibal, freak comme un animal. Come on, je file zoo, pas come on. Laisse la balle aller, allez balader. Laisse la balle aller, allez balader. Laisse la balle aller, j'ai harcelé. Qui veut pour mener en plein boucané, en plein mi dans l'été. Hey, avoir des cash pour nous sortir ou des cash. Ça qu'il fallait à la banque, check à ma face, ça c'est zoo. Class trip pour le zoo, ma sauce c'est zoo.

Au retour, plus tard, on a la colline dans les coulisses de la Luître qui s'en vient en quelques instants. C'est vrai ça. Mais avant ça, on s'en va entendre un roi soleil. Quelqu'un de royal. Tu sais, un roi soleil. Est-ce que c'est Colin? Royal Lepage. Ah, Lepage. La colle. Ouais. C'est pas Royal Lepage, hein. C'est juste Lepage. Il y en a qui colle la culotte, puis l'autre, ben, c'est Royal Lepage. Je vais vérifier, OK? J'attends! Royal Lepage, je pense que c'est pour vendre des maisons. Un million de questions restent sans réponse. Dans l'irrationnel, l'affaire était personnelle. Alors je crois en moi. Retour, la chronique dans les coulisses de la Luître, à Assemblage Requis. Assemblage Requis pour toi aujourd'hui. Vous êtes dans la zone 89.1. C'est fou dans tes oreilles. Assemblage Requis est présenté par le service aux étudiants de l'UQTR. Bon retour, vous êtes toujours à Assemblage Requis en ce lundi 10 février 2014. Il est Jean-Philippe Charbonneau. Il est Mathieu Plante. Oui, Assemblage Requis, votre émission matinale en pièces détachées. Et maintenant, on reçoit un gars qui est habitué, qui est déjà matinal en partant parce qu'il co-anime l'émission Les Malhonnêtes, les mardis à 10h. Il se met assez fou.

rain stops coming down. Everyone here's been wondering, when will it be over? Hardly night train, every evening, maybe train just coming soon with the harvest moon. Take me down to the river, take me to the preacher man. C'était Harvest Moon, une pièce de la trame sonore de Reservoir Dogs par Bedlam. C'est bon. Mm-hmm. Tu l'écoutes en boucle là, sur ton vinyle. Oui, c'est ça, mais en boucle, mais je peux pas le mettre en boucle. Faut que je l'arrête, tourne le vinyle. C'est ça la vieille technologie. Hein. Oh, c'est ça. Ça me fait faire de l'exercice, Mathieu. Faut tout le temps que tu le retournes de bord, comme Maxime Tanguy. Oui, mais là, voici, il était deux fois. Attends, non, c'est ça les gens. Toi, parce que dans notre monde, y a deux lois. Tu y adhères ou pas, encore là, t'as deux choix. Pense-y deux fois, parce que dans notre monde, y a deux lois. Le concept, c'est de le faire une fois. C'est Il était deux fois, le petit bloc où on joue deux chansons de seul et même artiste et ou groupe ou les deux en même temps. Et cette fois-ci, c'est un petit peu particulier et spécial. Jean-Philippe, si tu peux nous expliquer la raison d'être de ce bloc. Oui, exactement. Bon, on va écouter un groupe qui s'appelle Virgo. Mathieu, je pense que j'en ai déjà parlé. C'est un petit mot, peut-être même Alexandra Carignan a parlé un petit peu. Donc, groupe gagnant des Mardis de la Relève, édition 2013. Oui, il faut pas que je me trompe. Donc, l'année passée, donc ils ont fait leur lancement au Gambrinus le 20, mardi 21. C'est très, très récemment. Oui, c'était donc début 2014. Donc, ils viennent sortir un peu... moi, je le classerais dans un EP, si on veut. Là. C'est un peu peut-être plus un démo C'est comme un simple, mais fois deux, parce qu'il y a deux pièces dessus. Donc, il y a deux chansons. Ils nous ont dit qu'ils étaient en enregistrement d'un album complet en ce moment. Là. Donc, probablement dans la prochaine année, là, on devrait avoir un album 2 qui va sortir. Oui, parce donc, que présentement, c'est encore un CD vierge. Hein? Oui. Virgo. Vierge. C'est la version de... Ben oui, c'est ça, exactement. Latine. Donc, on a pu les voir souvent en spectacle, ceux qui sont restés ici cet été, l'été 2013. Se sont produits sur quelques scènes, là, quand même. Un bon groupe qui ça bouge quand même. Ça vire puis ça go, comme on dit. Oui, c'est ça, ça Virgo. Donc, on vous laisse écouter ça, puis on s'en rejoint après. On écoute les deux pièces, plus tard, il y aura Jour de malentendre, mais pour l'instant, voici étant donné. Sur C'est fou, il était deux fois. Je vois la main. ce que l'on a fait en septembre. Avec tout l'acharnement, nous faisons tranquillement, suivant les plans, voulant exiler, en prenant le tourment, faire un grand décadent tout en restant, d'en avoir assez, et puis s'en aller, mais toujours avancer, pour tenter nos pressants, pour un instant rêver, en attendant son départ, mais toujours continuer pour changer son présent. We'll be right back. temps s'est passé avec des choses à régler. Obligé d'abandonner, de torturer, de tempérer, mais menacer d'effacer. Un bloc, il était deux fois avec Virgo. Oui, monsieur. Mm-hmm, on a entendu les deux pièces de leur maxi, baroblique simple fois. C'était au début étant donné et après ça, on vient d'entendre Jour de malentendre. Jour de malentendre. OK. Oui, c'est ça cool. Arrive. C'est des noms de pièces. Oui. Donc, Virgo, moi, j'ai bien aimé. C'est les gagnants des Mars de la Relève 2013. Oui, exactement, qui se déroulaient au Grand Brinus. Donc, puis par le fait même, écoute, par la bande, je vais te dire que si vous avez un groupe, ben, tu sais, c'est le moment encore de s'inscrire. Je pense que la date limite, en fait, la date limite, c'est le 25 février. Donc, si vous avez un groupe puis vous voulez essayer de gagner les Mardis de la Relève, c'est le temps de s'inscrire. C'est maintenant et le concours va commencer, lui, au mois de mars. Hein? Exactement. Voilà, c'est la 17e édition des Mardis de la Relève. C'est l'édition de 2014. Oui! Yay! Et puis, ben, écoute, pour plus d'informations, il y a leur page Facebook, Virgo Officiel. Donc, allez là. Puis, c'est ça. On va savoir plus sur Virgo. Voilà, on les remercie et on te remercie, toi, pour le bloc qu'il était deux fois. Oui, oui. Au retour, la chronique de la GQTR avec Marie-Laurence Audet. Restez là. Dans tes oreilles, 89.1. Le service aux étudiants de l'UQTR vous présente Assemblage requis. Bonjour, c'est toujours à Assemblage requis en ce lundi 10 février 2014. Je m'appelle Mathieu Plante. Moi, c'est Jean-Philippe Charbonneau. Tout le monde s'étouffe. On a toujours aussi Pissy Falardeau. Oui. Toujours avec nous. Toujours là. Qui va pouvoir participer à la chronique de la GEQTR parce qu'on accueille Marie-Laurence Audet qui fait la chronique temporairement. Donc, attachez-vous pas trop à elle, à la chronique de la GE. Elle va garder sa chronique Le Loisir bien plus qu'un jeu les mardis aux deux semaines, dont demain. Mais pour l'instant, on l'accueille avec une toute nouvelle chronique de la GEQTR. AGEQTR, peu importe ton âge, tu t'en vas à la GEQTR parce que la GEQTR, ça n'a pas d'âge. Yo, peu. Marie-Laurence Audet, bonjour. C'est donc bien magique. Bonjour. C'est la première fois que je l'entendais, moi aussi. Ah, bon, t'as dit. Ah, ben il fallait suivre les aventures de la GEQTR. Pour l'instant, en ce moment, on n'a pas personne aux communications de la GE. C'est faux. C'est faux. Ah, c'est un breaking news, ça vient de se passer. Oh yeah, nous l'avons élu la nuit dernière. La nuit dernière, ouais. Avec des signaux de fumée. Non, mais hier se tenait un conseil d'administration spécial de la GEQTR et on a maintenant une nouvelle VP aux communications. Alors, madame Cathy Simon. Bravo. Bravo. Alors, ce sera elle qui prendra la relève en tant que VP aux communications pour les prochaines chroniques. Génial. Donc, dès la semaine prochaine, lundi matin à 8h30, on devrait l'avoir en studio avec nous. Exposé, là. Tu vas la coacher là-dedans? Mais pour l'instant, c'est toi, Marie-Laurence. Oui. Et tu vas nous parler, évidemment, des événements et activités et actualités qui s'en viennent pour la semaine et au-delà. Exactement. Dans le fond, je vais commencer avec quelques activités qui vous attendent. Premièrement, on a un concours de photos qui va se tenir le 19 février. En fait, je vous explique tout le processus. Oui. Il y a un concours de photos organisé par la GEQTR et la thématique vient d'être dévoilée. Ça s'appelle « La face cachée okay. ». Voilà. C'est flou. C'est large. C'est flou, 89 ans. Et ça vous laisse, dans le fond, place à la créativité et à l'imagination. Prenez votre appareil, allez photographier ce que vous pensez qui va le mieux représenter la face cachée. Les fesses de quelqu'un, mettons. Les fesses cachées. J'ai pas dit les fesses, j'ai dit la face. Mettons les fesses de Maxi Tanguay. Je pense que je vais m'inscrire. Je pense que c'est notre victime du jour. Je pense que je vais m'inscrire. Voilà. Donc, la thématique, c'est ça. Les gens qui veulent s'inscrire ont jusqu'au 17 février pour nous fournir maximum 3 photos. Donc, vous avez comme 3 chances chacun de gagner. Et là, à ce moment-là, on va exposer les photos reçues à la chaise-galerie ou au pavillon, c'est encore à confirmer. Et les gens vont avoir 2 jours et demi pour les regarder et voter parce qu'il y a un prix du public qui va être remis. Le dévoilement du gagnant va se faire le 19 février à la chaise-galerie. Donc, ce soir-là, on annonce par le comité jury qui a gagné le concours, ainsi que le prix du coup de cœur. À vos papiers, à vos crayons, il faut aller voter entre le 17 et le 19 février pour la photo de votre choix. Alors, c'est la première activité. Mais lors de ce dévoilement, le 19 février, on ne fait pas juste dévoiler ça. Il y a d'autres choses qui se passent à la chaise-galerie en même temps. C'est le concours de poésie et littérature. Donc, on sert de l'événement de poésie et littérature là où tous ceux qui veulent participer le peuvent venir exprimer leurs émotions, leurs états d'âme et bref, tout ce qu'ils veulent. Déclaration d'amour. Ben là, la Saint-Valentin va être passée un peu, là, mais tu peux te prendre d'avance pour l'année d'après. Si tu veux te rattraper, parce que tu l'as oublié. Voilà. J'attendais le concours de poésie. Oui, dernière chance. Oui, c'est ça. Donc, le 19 février, les associations s'affrontent parce que toutes ces deux activités-là rentrent dans la coupe des associations. Alors, vous pouvez venir vous exprimer sous différentes formes. Il y en a qui font du slam, il y en a qui font de la lecture. Soyez originaux. On peut-tu faire un rap battle? Ouais. Il a dit pas tous tes trucs, là. Fais juste t'inscrire. Moi, mettons, si j'avais un poème puis j'avais pris une photo, j'aurais dit « Ah, oh, comme la face est cachée! » Parce que c'est le thème de la photo. Ben oui. Donc, 19 février, le concours de poésie et littérature à la chaise-galerie. Comme je disais tantôt pour le concours de photos, il va avoir un prix pour le coup de cœur du public. Donc, vous avez 2 chances de voter, cher public. On a besoin de vous. On sert de ça pour annoncer le gagnant de la photographie. C'est 2 événements distincts, vous avez bien compris? Oui, quelqu'un veut venir ressusciter PC qui meurt. Max Tanguy est où, là? Oui, il est où pour t'assurer? Réanimer. Mon sauveur! Mon sauveur! Au-delà de ces 2 activités-là qui se tiennent dans la Coupe des Assos, je vous en annonce une autre qui est bien loin, mais je vous explique pourquoi je vous en parle tout de suite. OK. Le 12 avril prochain. 12 avril! Ouais, t'as sauté ça à ton agenda! Dans 2 mois, ça! Hein? Oui, oui. Oh, mais c'est beaucoup de pages à skipper, là, dans l'agenda. Il faut déchirer les petits coins. Il va se faire des paper cuts, là, à force de virer ses pages, Le 12 avril prochain, c'est organisé par l'Association des étudiants camerounais. C'est un marathon. Alors, il faut vous en aviser maintenant pour que vous commenciez à vous entraîner. Genre, on court. Ben, c'est pas on boit, là, c'est on court. C'est pas un marathon, maintenant. C'est pas un marathon. C'est un marathon. Oh, yeah. Pour ceux qui n'ont pas vu les gestes, ce n'est pas un marathon d'alcool, là. C'est un marathon de course à pied. C'est pas un marathon non plus de film. Mettons, hop. Ouais. Hop. On écoutera le hop 2 une autre journée. Oui. C'est vrai, on court. Oui, on 42 court. 42 km. Non, c'est moins que ça. En fait. C'est un demi-marathon? 21? Mais arrête! Laisse-la parler! Tu peux faire la chronique, c'est à toi d'être élu à logier. Oh, burn! Si j'avais voulu être élu, je me serais présenté. Ah, burn! En tout cas. Mais ça, commencez à vous entraîner, ça va être le 12 avril prochain. Il y a vraiment plus d'informations qui vont sortir d'ici là. Mais on s'alignait pour une dizaine de kilomètres, 10-12 kilomètres, qui était quelque chose qui était accessible à l'ensemble du commun des mortels, qui n'est pas nécessairement un marathonien olympique. Oui. En parlant des olympiques. Puis, à ce moment-là, ça va partir de l'UQTR, puis il va y avoir un parcours spécial qui va être fait dans le cadre de ce marathon-là. Jusqu'au Cameroun. Jusqu'au Cameroun, il y a à peu près 10-12 kilomètres. Ça, c'est la coche. Ils vont Cameroun, Cap de la Madeleine. Même combat. Chacun montre la face cachée de son pays. Oui, ah, c'est bon. Alors ça, c'est le 12 avril prochain. Maintenant, je lâche les activités. Parce que dans le fond, ça, c'est les prochaines activités qui vous attendent à l'AGE. J'aimerais vous parler aussi du fonds académique. Dans le fond, ce sont des bourses qui sont remises pour des projets étudiants, mais qui rentrent dans le cadre académique. Ça ne doit pas être des projets dans le cadre de vos cours. Ça ne doit pas être des projets qui n'ont pas de cadre académique, genre social. Dès que ça touche un aspect académique, mais que c'est fait par une initiative étudiante, vous venez chercher un petit formulaire à l'AGE et vous courez la chance. Mais en fait, Vous êtes éligible à gagner une bourse. On a plein d'argent à donner. On est riche. Ding, ding, ding, ding, ding. Venez chercher votre argent. Donc ça, c'était un point par rapport à si vous voulez de l'argent, si vous manquez d'argent, faites des projets. Voilà. Cool. 2 autres petites annonces. Premièrement, la halle garderie. Qui est un service qui est de plus en plus connu par la majorité des étudiants, mais même par les non-étudiants. Vous le rappelle, vous qui êtes en voiture présentement et qui nous vous écoutez. Nous vous écoutez. En fait, la halle garderie, c'est un service offert par la GEQTR qui se trouve dans le pavillon de la vie étudiante. On offre ce service-là qui n'est pas un CPE, qui n'est pas un service avec repas et tout comme toutes les autres garderies, mais qui est un service où les étudiants peuvent laisser leurs enfants le temps qu'ils vont à leur cours. Et là, les enfants sont pris en charge par des éducateurs de garderie et qui sont justement... Ils sont occupés, ils ont des collations, ils ont des activités. D'où le nom halte garderie. D'où le nom halte garderie. C'est comme mon centre d'achat. C'est comme mon centre d'achat, mais en plus jet set. Même combat. Puis il y a maintenant des places qui sont offertes aux membres enseignants à l'université. C'est certain qu'on laisse en majorité les places et en priorité pour les étudiants. Mais il y a des places qui sont ouvertes pour les enfants des enseignants. Donc vous, enseignants qui voulez laisser votre enfant à la halte de garderie le temps que vous laissez un cours, chargé de cours et tout, venez nous voir, venez ouvrir votre dossier. Mais la raison pour laquelle j'abordais ce sujet-là aujourd'hui, c'est qu'on a revu les prix. Donc les prix ont diminué pour les étudiants. Ce n'est plus 13 $ de l'heure, mais maintenant 10 $ de l'heure. Wow! C'est une offre pas juste à limiter, là, à long terme, jusqu'à prochain changement. Oui. Mais tout ça pour dire, je vous informe de cette nouveauté, bénéficiez de l'offre et venez chercher vos formulaires pour ouvrir des dossiers. On est là pour vous. Voilà. Voilà. Dernière petite information. Oh, ça me donne le goût d'avoir un enfant tout de suite. Ben oui, rien que pour ça, c'est pas cher. Va demander à Max Tanguay s'il en veut un. Je suis sûr que oui, en plus. Oh. Je suis sûr qu'il serait un bon père attentionné. Oh. Voilà. Il faut vraiment pas qu'il écoute cette émission-là, il va m'haïr. Non, si quelqu'un lui envoie le lien via assemblagerequis.com sur Facebook. Mettons un ou trois. Mettons. Qui est pas toi. Non, faites pas ça. On coupe l'extrait et on fait un montage de tous les moments où on parlait de lui. Mettons, quelqu'un ferait ça, tu sais, ça pourrait arriver. Dernière petite information qui est en fond, qui s'adresse à tous. Présentement, à l'AGE, le VP à la vie associative et à l'environnement, dans le cadre du comité de développement durable, ramasse les bouchons de Liège. Donc, on a besoin de vous pour boire du vin. Vous ramenez vos bouchons de Liège. Une raison de plus. Et ces bouchons-là vont servir, dans le fond, à fabriquer des babillards. Donc, on va faire de la transformation dans le but du développement durable pour rendre ça utile et agréable. Et ces babillards-là vont être accessibles à tous. On peut faire des sous-verts aussi. Donc, une grosse démarche en cours. On a besoin de vous. Buvez, mes amis! Babillard! Oui. Buvez! Et puis, ça veut dire aussi éviter les twist-caps. C'est acheter des bouchons de Liège. C'est ça, faites pas les faibles. Le vin est meilleur quand t'as un bouchon de Liège qu'un twist-cap. Ça, on pourra en débattre. On pourra en débattre longtemps, oui. Parce que le simple fait que tu l'ouvres facilement peut le rendre meilleur. Simple fait que t'as pas à gosser. Il est accessible. Tu peux le boire directement. Ça, il est accessible. Un vin accessible. Très, très bonne observation. Et voilà. Un vin accessible. Ouais. C'est bon, ça. Donc, avec la face cachée de la photo, je vous laisse. Moi, ça fait le tour, dans le fond, des prochaines activités, des services qu'on offre et des différentes possibilités de vous faire de l'argent avec les fonds académiques. Et vous allez retrouver Cathy Simon pour les prochaines chroniques. Génial. N'oubliez pas de vous entraîner. Oui, pour le marathon des Camerounais. Parce qu'un voyage vers le Cameroun, ça n'arrive qu'une fois dans sa vie. On s'en va en Afrique. C'est ça. Donc, ce sera lundi prochain à 8h30 avec Cathy Simon, nouvelle chroniqueuse de la GEQTR. On remercie Marie-Laurence Audet pour cette participation spéciale. Ça fait plaisir. Et on te retrouve demain, demain matin, évidemment, à Assemblage Requis pour ta chronique Le Loisir, bien plus qu'un jeu. Exactement. Et ça, c'était évidemment 8h. Évidemment. Je connais ça, c'est mon horaire. Merci Marie-Laurence. À demain. Pour l'instant, nous, on retourne en musique. On s'en va entendre. En fait, j'avais rien préparé. Mais non, c'est ça. On s'en va entendre quelque chose. Le temps que je dise, c'était Marie-Laurence Audet pour la GEQTR. C'est fou 89.1, Trois-Rivières. Et là, on le voit pas, mais il se met les mains en dessous des bras comme un petit poulet. Parce que c'est ce qu'elle fait tout le temps, oui. Marie-Laurence. On l'apprécie comme ça. Je le vois du côté de l'œil, puis je trouve ça particulièrement beau. Particulièrement beau. On s'en va entendre Ballader. Oui. Avec A Life Like This. On écoute ça. Et au retour, plus tard à l'émission, on a un son foutu palmarès qui s'en vient. On a aussi. C'est ça. Non, je pense qu'on a comme trois son foutu palmarès. Fait qu'on va bien du fun tantôt. Incroyable. Génial. Ballader, tout de suite. C'était Dream Baby. Ballader. Ballader sur l'album. Ballader, qui porte le même nom que Ballader. C'est un drôle de Balazar. Un drôle de Balazar. Balazar, comme on dit. Hein, c'est, on dit pas ça. Hein. On dit pas ça. Bon, on peut le dire, mais on a l'air fou. C'est ça. Alors, toujours avec PC Falardeau, Marie-Laurence Audet, qui nous tient compagnie dans le studio pendant les prochaines minutes que je suis attendu que ça l'attende de s'en aller, mais pour l'instant, ils s'en vont pas. Puis ça parle encore. Puis ça va pas. Ça, c'est ça. Ça reste là. Puis ça jase, ça jase. Je mets de la compagnie avec les jours où on n'a pas eu de chroniqueur aucun. Oui. Depuis les dernières semaines, ça fait un petit peu changement d'entre quatre en studio, donc on en profite, t'sais. Même si on n'a absolument rien à dire. Hein? N'est-ce pas? Moi, j'aurais plein de choses à dire, mais ça deviendrait. Ça commencerait à être indécent. Là. C'est ça. Ou redondant. Ça commencerait à être pas chic. Là. Et Marie-Laurence? Ah, moi, j'ai jamais rien à dire, mais je suis quand même là. Tu vois? Ben, tu vois, c'est pas pire que nous autres. Ça. Mais non, elle bouge. Mais tu sais, l'important, c'est de s'aimer comme ça. De s'aimer dans notre différence. Oui. Moi, les amis, je vous aime. Ah, il est fin. Il est encore là, lui, le vieux Roger. Vieux Roger. Normand Lamour. Oui. Roger Lamour. C'est le frère de Normand. Puis à place de parler de poignée de porte, puis il parle de... C'est poignée de frein. C'est oui, la serrure. Hey, je m'en allais là-dedans, aussi. Je m'en allais là. Tu t'en allais dans la serrure. Ah, serrure. Il était ben jaloux de Normand, fait qu'il fait des chansons similaires à, mais pas exactement les mêmes. Ouais. Il y a serrure de la porte. C'est pas un achigan, c'est un brochet à grosse bouche. Il dit aussi en Europe, toute blanche, au lieu d'en Afrique, toute noire. Il y a une toute qui est en Afrique toute noire. C'est parfait. C'est super. C'est vraiment les fans de Normand Lamour qui connaissent en Afrique toute noire. Oui. Hein? Mais je sais pas pourquoi je l'ai... Oui. OK, je l'avoue. Je l'écoute tous les soirs. Tous les soirs. Oh, c'est pas le CD de Réservoir d'œil qui roule en boucle. Non, c'est ça. J'ai menti tout ce temps. Mensonge. On pensait que t'avais du goût, mais finalement... Ben, finalement, non. Le vinyle de Normand Lamour. Ça vaudrait la peine. Oh, je sais pas. Je sais pas. France d'amour, c'est d'amour, hein, pas l'amour. Hein. France d'amour. L'amour. D'amour. C'est quoi, c'est d'amour, l'amour. Il n'y a pas un amour, il n'y a pas genre... Deux amours. Trois amours. Je dirais même quatre amours. Ouais, bon. Alors, écoute, David et les bois. Scaphandre. Tu vois, lui, c'est David et les bois, tu sais. C'est un bois comme dans... Morning Wood. Moi, quoi. J'ai plugué ma joke cochonne. La journée. Je croyais que je t'aimerais toujours. Car dans mon scaphandre, le temps n'existe plus. Et j'étais sous l'emprise de ses bras à défaire. Ce soir, le rage s'est abattu sur le grand boulevard. Les éclairs ont fait des stries de sang dans mes yeux, qui s'inondaient plus mon scaphandre et pressurisaient. Tu fus une illusion dans ma bathysphère, formant ma réalité étouffant. Atmosphère, tu fus illusoire dans ce bathyscaphe de maison. Je t'oublie lentement, remontant à la surface, plongeon par plongeon. De maison, je t'oublie sûrement, remontant à la surface, plongeant par plongeant. illusion dans ma bathysphère. Déformant ma réalité, étouffant mon atmosphère. Tu fus illusoire dans ce bathyscaphe de maison. Je t'oublie sûrement, montant à la surface, plongeant par plongeant. J'ai m'assoupi, hypnotisé par la lune qui ressurgit. Enfin, je sombre dans mon lit. Et j'espère l'endemain matin. C'était Scaphandre de David et les Bois. Au retour, on parle un petit peu des Olympiques, mais de façon détournée, comme toujours. À Assemblage Requis. Oh. Assemblage Requis pour toi aujourd'hui. Le service aux étudiants de l'UQTR vous présente Assemblage Requis. Bonjour, bon réveil peut-être. Bienvenue à Assemblage Requis, l'émission matinale en pièces attachées. Les Jean-Philippe Charbonneau. Et les Mathieu Plante. On est en train de se créer des hypochondriaques quittés. Oui. On se faisait mal et on se donnait pas envie de sortir dehors en regardant la fille qui s'est plantée en snow, n'est-ce pas? Oui, Sarka Pancho... Attends un peu. Pancho-Chova. Pancho-Chova. Oui. Qui devient toute molle lors de sa chute. Ceux qui l'ont pas vu, elle s'est plantée. Elle m'avait littéralement plantée là, en snow hier. Ah, c'est pas beau. Pas beau à voir du tout, sauf que tu l'as regardé comme 45 fois au ralenti, zoomé, dézoomé, à l'envers, à l'endroit. Tout pour me faire mal à l'intérieur. Ça donne pas envie de faire du sport, ça donne pas envie de bouger, finalement. Non. C'est comme ça. Ouais, un peu comme le gars en luge il y a, c'était 4 ans, je pense, aux Olympiques d'hiver en 2000. En Vancouver. Vancouver. Bref, tiens, parlant d'Olympiques, c'est rare qu'on aborde des sujets qui sont autant d'actualité. Voici son foutu palmarès. On s'en va en Russie. OK. C'est l'avion qui passe en voyage jusqu'en Russie. Puis on vient de caler une bouteille de vodka. Oui, t'as pas le choix. C'est un prérequis, en fait. Si t'arrives là, pas de vodka, on te dit comme « Connais-tu la Russie? » Enchanté, ça. Oui, enchanté. Une bouteille de vodka gratuite. Donc, c'est le premier panorama qu'on fait. C'est le top 10 des raisons pour lesquelles Sochi n'est pas prête. Okay. Pour les Jeux Olympiques. T'as sûrement vu rouler ça un petit peu sur Internet, as-tu vu? Oui. C'est quand même très drôle. Les mauvaises conditions, entre autres des hôtels. Donc les journalistes qui viennent de partout dans le monde sont arrivés en Russie la semaine passée. Évidemment, ils ont trouvé des hôtels qui étaient encore en construction là-bas. Et on pourrait s'attendre de nos jours, en 2014, à avoir un petit peu les standards un petit peu plus élevés que ça. Et là, les gens postent sur Twitter les raisons pour lesquelles Sochi n'est pas prête donc pour recevoir les Jeux. Par exemple, numéro 1, les toilettes n'acceptent pas le papier de toilette. OK. Donc, c'est un journaliste qui nous apprend ça sur Twitter. Il y a une feuille collée sur le mur qui dit « S'il vous plaît, ne flushez pas le papier de toilette dans la toilette. Utilisez plutôt la petite poubelle fournie à côté de la toilette. » OK. C'est écrit en russe et en anglais. Pour ne pas se tromper, les toilettes ne sont pas faites pour recevoir du papier de toilette. numéro 2, l'eau. L'eau n'est pas sécuritaire. Stacy Sinclair qui nous montre sur Twitter que l'hôtel n'avait pas d'eau au départ et que si l'eau revenait, le bureau d'accueil à l'avant disait « N'utilisez pas l'eau sur votre visage parce que ça contient quelque chose de très, très dangereux. » Hashtag Sochi 2014. Et là, l'eau a fini par revenir et elle a versé un verre d'eau qui est complètement jaune comme du jus de pomme. Wow! Mais complètement. Donc, dangereux, on sait pas qu'est-ce qui est dangereux, mais c'est assez pour accepter ça le fait. Ça veut dire pas de douche, ça? Pas de douche. Dans certaines chambres d'hôtel, donc pas de douche, rien, pas de cuisine non plus. Tu peux pas faire... Faut que t'ailles manger au restaurant. Ouais. T'as pas le choix. Ensuite, numéro 3, c'est des trous, tu sais, des égouts, des bouches d'égouts, ouvertes à grand air ouvert, grand air libre. Ah oui. Aucun danger, ce danger sur le trottoir de marcher et de tomber là-dedans. Donc, ils ont remarqué ça. Des trous qui sont d'habitude couverts, mais celui-là ne l'était pas. Ensuite, les employés de l'hôtel qui entrent dans la chambre des invités. Certains journalistes reviennent à leur chambre pour trouver leur porte déjà ouverte. Donc, rien n'a été volé, mais les portes ne sont pas fermées, ne sont pas barrées. J'ai lu un autre Twitter de quelqu'un qui avait remarqué des bouteilles de bière sous son lit. Sous son lit. Okay. Donc, c'était plus tard en journée. Il était parti faire quelque chose. Il est revenu. Il sait pas si les bouteilles de bière étaient là avant son arrivée ou si c'est pendant qu'il était parti de manger, genre, qu'il a fait le party. Ensuite, on manque d'ampoules. Okay. On manque beaucoup d'ampoules dans les lampes et dans les lumières, les trucs de lumière. Donc, y a un gars, Dan Wetzel, qui dit sur Twitter, « Je possède avec moi 3 ampoules. Je les échange contre une poignée de porte, parce que sa chambre d'hôtel n'a pas de poignée de porte. Poignée de porte. Donc, je t'échange une ampoule contre une poignée de porte. Et c'est là qu'on dédie la chanson « La poignée de porte ». Normand Lamour ou son frère, oui, Roger Lamour. Roger Lamour. Voilà. Numéro 6 et numéro 7, des fois, il y a des bris dans les tuyaux et il manque d'électricité souvent. Donc, le gars, on le voit sur son portable, en train de ne pas avoir d'électricité, de ne pas avoir d'Internet. Le gars, c'est un journaliste. Ah oui. Il faut qu'il tape des reportages pour CTV. Il faut qu'elle tape ça, mais elle peut pas. Mais elle peut pas. Elle non. Ne peut pas. Numéro 8, les réservations d'hôtels sont quasi inexistantes. Donc, plusieurs gens dans les médias arrivent en Russie et il n'y a pas de chambre qui les attend. Et s'il y en a une, elle a été bookée en double ou en triple et quelqu'un est déjà arrivé, il l'a déjà pris à leur place. Par exemple, Harry Ricky sur CNN, qui avait booké, il dit que CNN avait booké 11 chambres pour les Jeux Olympiques. Il y a 5 mois, ça fait une journée qu'il est là, il n'y a toujours pas de chambre de disponible. Oh! Il y avait booké 11 chambres. Ensuite, pas d'eau chaude. On a dit pas d'eau tantôt. Pas d'eau chaude. Si t'en as, t'as pas d'eau chaude. C'est ça. Donc voilà, le gars Bruce Arthur qui dit « Je m'ennuie toi, eau chaude dans ma chambre d'hôtel. T'étais super quand j'en avais. Oh. » Ensuite, numéro 10, il n'y avait pas de lobby dans l'hôtel. Okay. Pas de place pour accueillir des gens, pas de place pour s'asseoir et pour attendre une chambre d'hôtel. Donc voilà, il y a Katie Bakes qui dit s'être fait une nouvelle amie de La Presse, le journal québécois La Presse. Donc, quand ils ont eu leur chambre d'hôtel temporaire, sa poignée ne fonctionnait pas. Donc, elle a ouvert la porte et la poignée est venue avec. Oh non! Super! l'autre, Harry Ricky, le même qu'on a mentionné tantôt de CNN, est arrivé dans sa chambre et le rack du rideau, le petit truc qui tient le rideau, là, la pôle, oui, était complètement genre en diagonale avec un côté attaché en haut et l'autre côté par terre. Oh. C'est vraiment la grande classe. Donc, c'est ça, les jeux qui sont commencés depuis, qui ont débuté vendredi passé, et les hôtels n'étaient toujours pas construits complètement. On voit que les gars sont rentrés dans leur temps, tu sais. Ouais. Ça fait vraiment, vraiment dur. Ah, oh, ben c'est poche. C'est vraiment plat pour eux autres. Les ouais. Journalistes, je comprends que c'est comme de se plaindre alors que t'es un riche journaliste américain, mettons. Mais il me semble que tu mérites quand même de te faire accueillir un petit peu mieux que ça. Oui, quand même. Quand même. C'est bon. Mais c'est surtout que les Olympiques, c'est une belle vitrine pour soit le pays hôte, quand exact. Ça marche bien. Puis, Je pense que là, ça va nuire vraiment beaucoup à la Russie. Ça part mal, mettons. Ça mal parti. Tu fais rire de toi sans cesse et tu fais déjà rire de toi pour des raisons qui sont un petit peu boiteuses, par exemple justement la vodka, comme on en a parlé tantôt, ou encore, tu sais, c'est quoi la blague que tout le monde dit, genre, en Russie, tu sais, mettons, genre, en Russie, les accidents, ils t'ont, tu sais, à la place de dire, genre, t'as un accident, c'est l'accident qui t'a à la place, tu sais, genre, ah, oui. Il inverse les phrases tout le temps en Russie, bref. Voilà, donc pour le palmarès, des choses qui se passent pour les médias en Russie. On a un autre un petit top qui s'en vient avec le top 11 des fêtes qu'on peut célébrer en février qui ne sont pas la Saint-Valentin. Mais le top 11? Top 11! Donc il y a 11 fêtes. 12 avec la Saint-Valentin. Exactement, 12 fêtes minimum au mois de février. Ben c'est le fun, c'est le mois le plus court. Tu sais, rentabilise ton mois. C'est un peu comme en Russie, rentabilise ton investissement. Oui. Construis les hôtels qu'il y en a là. Mais surtout que ça a été les Olympiques qui ont coûté le plus cher de tous les temps. Exactement. Et de beaucoup. Et en hommage à la Russie, on écoute Pipé sa guitare, voici Ça pue. En plus, ça pue. En plus. OK. Ça pue. Ça pue. Ça pue. Ça pue quand tu parles. T'as beau te brosser les dents, t'as beau te passer la soie, c'est dans ta voix. Ouais, ça pue quand tu parles. Ça pue quand tu parles. parle. Tu prends de la place, personne t'écoute, même quand tu parles trop fort. C'est qu'ils osent pas te dire de te la farmer, mais moi je fais un effort. Ouais, ça pue quand tu parles. Ça pue quand tu parles. Ça pue quand tu parles. Ouais, ça pue quand tu parles. Ça pue quand tu parles. Ça pue quand tu parles. Ça pue quand tu parles. Commentaire méchant, ton potinage pour moi c'est du vent. Un vent mauvais. Tu coupes tout le monde, tu cries pour rien, y a juste toi qu'on entend. En autant que personne parle de toi, tu penses qu'on est content. Mais ça pue quand tu parles. Ça pue quand tu parles. Ça pue quand tu parles. Ouais, ça pue quand tu parles. Ça pue quand tu parles. Ça pue quand tu parles. La prochaine fois, t'as le coup de parler. Téléphone-toi. Réponds-toi, écoute-toi, raccroche-toi pas. Trouve ce qui pue. Dis-moi quand t'es rendu. Mais là, mais là, mais là, mais là, mais là, mais là, mais là, fais quelque chose. Ça pue quand tu parles. Ça pue quand tu parles. Ça pue quand tu parles. Ouais, ça pue quand tu parles. Ça pue quand tu parles. Ça pue quand tu parles. Ouais, je m'excuse, mais tu sais pas de quoi tu parles. C'est pas de quoi tu parles. Ça pue quand tu parles. Ouais, fais quelque chose, parce que ça pue quand tu parles. Ça pue quand tu parles. Ça pue quand tu parles. Pépé, c'est guitare. Ça pue. Ça pue. It's pewing. It's pew pew. Pew pew. Ben, j'ai rajouté un i. Ben oui. Pew pew. Oh, yeah. Toujours assemblage requis. Tantôt, on a parlé dans la chronique Son foot palmarès des Olympiques et on disait que, Colin, tu sais, l'affaire avec l'homosexualité, la gaieté, la gaieté. La gaieté. La gaieté. Ouais. C'était pas la gaieté. Que c'est tellement bizarre, genre, qu'ils sont là, puis oh non, tu n'en es pas contre l'homosexualité. Par contre, touchez pas nos enfants, tu sais. Ben non, c'est ça. Ben non. Puis après ça, t'as le vieux monsieur qui vient saluer les médaillés. Gagnantes. Avec des gros bisous, puis il pogne les bras, puis il y a. C'est ça. Mais ça, c'est bien correct, ça. Ben ça, c'est. Ben oui. Évidemment, avec les gars, peut-être qu'ils font. Avec une perche. Avec une perche. Ou un petit robot téléguidé. Oui. Ok. Donc, toujours dans son foutu palmarès, on va faire le top des fêtes qu'on peut célébrer en février qui ne sont pas la Saint-Valentin. J'ai hâte d'entendre tout ça. Parce que tu sais, la Saint-Valentin, c'est un cliché. Oui. C'est une fête créée tellement par les compagnies de cartes de Switch. Créée par Dolorama. Oui. C'est vrai qu'ils font le plus d'argent, je pense. Hein? Oui. Ça, puis toutes les fêtes, finalement. Mais la Saint-Valentin, c'est ça. Bon, c'est super commercial, on le sait, mais il y a plein d'autres fêtes pour célébrer les 27 autres jours de du mois. J'ai hâte d'entendre ça. Commençons le 7 février avec la journée nationale ou internationale de la gomme balloon. C'est le 1er février le premier vendredi du mois de février, la journée de la gomme balloon, qui est une fundraising holiday au lieu de fundraising, au lieu de ramasser de l'argent, on ramasse du plaisir. Ça a été démarré en 2006 par un auteur de livres pour enfants, Ruth Spiro. Ça permet aux enfants de mâcher de la gomme en tout temps en échange pour 50 cents contre 50 cents qui va être donné à la charité du choix de l'école. Donc, l'école peut choisir une œuvre de bienfaisance. Donc, la participation s'est étendue depuis les dernières années aux bibliothèques, aux musées pour enfants et même aux centres pour personnes âgées. Ah! Pour 50 cents, tu manges une gomme. Ouais, ben là, personne âgée, il faut faire attention pour le partiel. C'est ça, tu marches à la place, tu marches un polydent, un peu. Oui, un peu. Tous les clichés possibles. Wow. Ensuite, le 8 février, tiens, c'est la journée. Là, attends un peu, le 7 février, c'est passé, donc on peut plus marcher de gomme. Le 8, c'est déjà passé aussi, c'est la journée. Ouais, c'est samedi. Oui, samedi. La journée de rire et d'être riche. OK. Le RR. Le RR. Donc, on ne sait pas vraiment si l'un est supposé aller avec l'autre, mais c'est deux activités. Donc, on suggère pour aucune raison. Riche. Soyez riche. Être riche et rire. OK. Ensuite, le 9 février, c'est la journée de l'homme. Ah, ben on a raté ça. C'était hier. Oui. C'est dimanche. Le dimanche avant la Saint-Valentin qui a été réservé. C'est une période où les hommes qui se sentent négligés peuvent se faire reconnaître, même si dans le fond, 365 jours par année, c'est pas mal la journée de l'homme. Oui. Quand on y pense, mais bon. Le 11 février, c'est la journée des femmes de professionnels sportifs, d'athlètes sportifs. C'est mardi cette semaine, ça? Oui, exactement. Donc, demain. Donc, c'est la Pro Sports Wives Day, où les femmes, dans le fond, c'est la journée nationale des femmes qui sont mariées avec des hommes qui sont athlètes professionnels, donc qui font des millions de dollars pour jouer à des parties de sport. Mais les femmes se font reconnaître comme « Hey, salut, t'existes aussi. » Oui. Le 13 février, c'est la journée nationale de changer son nom. Ah ben. C'est l'opportunité annuelle pour ceux qui n'aiment pas leur nom, qui trouvent leur nom indésirable, d'insister, de se faire adresser par un autre nom plus plaisant et s'attendre à ce que leurs amis et leurs collègues les appellent vraiment par ce nom-là, mais juste pendant cette journée-là. Parfait. Si t'avais à changer de nom, Jean-Philippe Charbonneau, tu t'appellerais comment? Dude. Dude, man, bro. Je sais pas. Non, mais j'aime ça, là, Jean-Philippe. Je rajouterais un Desbois, je pense, dans mon nom. Ah oui, comme sur Facebook, finalement. Finalement. Tu vois, Facebook et le reste de l'année, ouais. la place où changer de nom. Toi, tu changerais de nom, pourquoi? Je sais pas, quelque chose qui est pas dans la Bible, mettons. OK. Tu sais, n'importe quoi qui est pas dans la Bible. Là. Tu te l'as fait souvent dire? Non, ah, mais je sais. Dans... OK. Ouais. Moi, mais au moins, j'ai pas deux T. Ah, au moins. Parce que là, quand même, on va pas ambitionner que deux T. Ouais. En tout cas. Le 13 février, c'est la journée où on tombe en amour avec moi. Donc, tomber en amour avec soi-même, si on veut. C'est la journée pour ne pas se détester. Hein? C'est bien placé dans le calendrier, mais c'est la journée où, littéralement, on se dit que tu dois t'aimer avant d'aimer les autres. Donc, aime-toi. Et le ciel t'aidera. C'est, oui, c'est ça. Le 18 février, c'est la journée où on fait une chose à la fois. OK. À la place de faire du multitasking, on fait du single tasking. Donc, une journée où on doit faire nos tâches une après l'autre sans essayer d'en faire plusieurs même. Ça, c'est le 18, ça? Le 18 février. Donc, le 19, c'est la journée où on rattrape le temps qu'on n'a pas eu le temps de faire toutes nos affaires. En faisant une chose à la fois. Et moi aussi. Le 20 février, c'est la journée Hoodie-hoo. Hoodie-hoo. Hoodie-hoo. Un peu comme dans South Park, si on veut. Donc, c'est dans l'hémisphère nord, là où c'est l'hiver en ce moment. Ce que tu as à faire, c'est sortir dehors à exactement midi, heure locale, et crier Hoodie-hoo. Tu cries ça comme ça et ça va chasser l'hiver. OK. Va-t'en hiver. Va-t'en. Ben, il y en a qui ont de la marmotte, puis il y en a qui ont des houli-hou. 22 février, c'est la journée des avaleurs d'épées. Tu sais, en termes de magie, les avaleurs d'épées, là, ceux qui mettent une épée dans leur œsophage et tout ça sans se blesser, là. Donc évidemment, c'est seulement pour les gens qui sont capables de le faire. Ceux qui sont pas capables devraient se retenir. Oui. J'en connais deux, trois qui ont fait ça, puis je ne sais plus jamais revu. on l'appelle Shish Kebab. Oui. Si t'avais à changer de nom pour Shish Kebab. Puis à un moment donné, il fallait décider qu'est-ce qui est arrivé, fait que j'ai tranché. Oh! Tranché? Oh oui! L'épée. C'est son double tranchant. Oui. J'en trouvais meilleur que... Bon. Je te le dis, est bonne. OK, merci. Fait que prends-le, puis ça compte. Oui, c'est ça, puis arrête. Avant que je te coupe la parole. La parole, oui! OK, bon, peut-être trop de réactions, parce que t'es pas vraiment meilleur que la tienne. Ouais. Le 23 février, c'est la journée nationale du curling, c'est cool. OK. Le curling, c'est cool. Donc, c'est l'opportunité d'embrasser de nos bras ce sport olympique et découvrir tout ce qui existe, toutes les informations possibles sur le curling. Parce que le curling, il n'y a pas juste la glace qui est cool. Hein? C'est le sport en général. Et le 28 février, c'est la journée nationale de la fée des dents. Mais là, évidemment, faut pas dire à ses enfants que c'est aussi, dans le fond, finalement, quand on y pense, la fête des pères et la fête des mères, oui, c'est la ça, fée en des dents. Ah, d'accord. Donc, c'est la journée de la fée des dents. Ben, il faut bien qu'elle ait une journée. Ben oui. Tu sais, déjà, qu'il faut qu'elle existe. Ben oui. Dans la... faut, les enfants, il faut continuer de leur dire. Hein? C'est ça que la fée des dents existe. C'est comme le Père Noël. Tout ça, ben oui, tout ça c'est réel. De créer dans l'imaginaire des belles images, comme oui. Ça, pour l'enfant. Donc voilà pour ce bloc sur les fêtes qu'on peut célébrer en février. Il nous reste une dernière partie. Je vous ai réservé quatre versions en langue étrangère de chansons des Beatles. OK. On va faire ça tantôt, mais avant ça, on s'en entend une chanson qui n'est pas des Beatles du tout, mais que je l'ai dit à la fête des amoureux, la Saint-Valentin. Voici Dear Criminals et Lovers Suicide. Oh. C'est dark un peu, je pense, par contre. Bon gars. Bon. On aime ça comme ça. Avec un couteau dans la gorge. Épée. Une épée, excuse. Avec un couteau, c'est un petit peu moins beau, hein, qu'il y avait un épée. C'est moins impressionnant. Ouais. Rip it from its cage just to feel it dry. Press it against her chest and you wonder why. Right. crisis and go love a suicide. When you kill your heart just to see it die, rip it from its cage just to feel it dry. Press it against the chest and you wonder why. So tempting, although you know at the end you won't be standing. How empty when your heart is left stranded. Unto love, lover's suicide. Anything that you want, just like your words, they'll come and leave. I will be anything you want. Me, kiss me, hold me, love me, strangle me if you can. I won't be flesh, I want it now. I'm the cellular line. Tell me, ride me, draw me anything that you want. Just like your words, they'll come and leave. I will be anything you want. Me, kiss me, hold me, love me, strangle me if you can. Won't you flash, I want it now. I'm the cellular line. Tell me, this place you belong. Touch me, touch me now. Or carry me along. Hold me, hold me, hold me, hold me tight when I'm gone. Kill me, kill me, kill me, kill me now. Bury me alone. Suicide de Dear Criminals. Oui, monsieur. Mm-hmm. Toujours dans son petit palmarès, on se fait vraiment... on dirait que je les mets tout ensemble à place de les séparer parce que je trouve que c'est court, puis c'est le fun, puis c'est bref, puis on a du fun. T'sais. Ben oui, moi j'ai du plaisir. Par exemple, savais-tu qu'il y a 50 ans, les Beatles sont atterris aux États-Unis via leur vaisseau spatial britannique. Évidemment, la Beatlemania qui a commencé d'un bout à l'autre du pays avec leur apparition historique au Ed Sullivan Show. À la fin des années 60, leur musique était rendue partout dans le monde, non seulement leurs propres enregistrements, mais aussi des versions enregistrées dans d'autres langues, chantées par des pop stars locales. OK. Et c'est ce qu'on va découvrir avec un petit blitz de chansons de différents endroits. Et on va commencer, on parlait des Olympiques tantôt, en Russie. OK. Oui, avec leur version de... Devine à la place, on écoute, puis tu devines. C'est bon, ça? La vidéoclip est vraiment noir et blanc pour l'instant. On reconnaît les accords déjà en partant. Exact. Vieux monsieur déguisé un petit peu. On dirait Woody Allen. На белом свете люди издавна повторяются. Ah, ça coule comme de l'eau sur le dos d'un canard. И снова будет так. Будет так. Но для всех влюблённых песня. Ça vient d'un film de 1974, un film russe nommé Magic Lantern. Et à ce moment-là, c'était une des seules façons sanctionnées par l'État pour les jeunes soviétiques d'accéder à de la musique de l'Ouest, de la musique occidentale. Ah ouais, OK. En écoutant ces versions-là russes. Donc les paroles... tout est déjà arrivé dans le monde, les gens resteront toujours pareils. C'est comme ça que c'était, que c'est et que ce sera toujours. Ce sont mes paroles. Okay. Oh, chorale! Людям верится только в лучшее. было, есть и снова будет так. Et les deux personnes font des yeux croisés, des gens de cross-eyed. Ah ouais. Je sais pas trop pourquoi, je sais pas si c'est humoristique ce bout-là. C'est comme une chanson super pessimiste, donc peut-être qu'un signe met un petit côté humoristique à ça. Maudit tac, tiens. Maudit tarte. C'est presque une chanson de Noël. C'est vrai. Donc, c'était en Russie. Let it be. Let it be, ben oui. Pour le film Magic Lantern. Maintenant, on passe à un petit peu plus près de nous en langage, donc en langue. C'est en France. Okay. Donc, voici une autre version que tu devras deviner. Ça se passe le 22 janvier 64. Il a chanté le titre, est-ce que tu l'as deviné? Non, j'essayais de traduire au fur et à mesure, mais non. C'est When I Saw Her Standing There. Ben voilà. Par Johnny Hallyday, la première vraie rockstar française, nous dit l'article. Donc, il était vraiment très populaire dans le monde qui parle le français, donc le monde francophone. Donc, ici, on l'entend il y a 50 ans en train d'appliquer son style, sa signature rock à When I Saw Her Standing There, qui s'appelle Quand je l'ai vu devant moi. Donc, c'est ça. Souvent, le public va applaudir, mais pas sur le rythme. Ah, ben oui. Des Français quand même. Ah. Même Johnny Hallyday ne tape pas dans les mains sur le rythme. Ha! Dans la vidéo, en tout cas. Mais tu sais, c'est évidemment, dans ces années-là, c'était du lip-sync. Donc, on chantait par-dessus les chansons. Et je sais pas, il y a peut-être pas le rythme dans le sang. Peut-être. Il est peut-être sous. Peut-être. Il est français, quand même. Il faut aller voir la vidéo juste pour voir les gens du public vraiment s'en foutre. Et juste... Ouais, ok, ouais. C'est beau, là. Allez, fini, là. Donc, c'est la version française de When I Saw Her Standing There. Maintenant, on s'en va en Asie. Ok. Pour la version cantonaise. Cantonaise, est-ce qu'on peut dire ça? Cantonaise? Oui, cantonais. Donc, on s'en va entendre un autre extrait, tu devines la chanson. C'est par Chan Po Chu. Là, on voit un groupe de femmes en train de jaser. Donc, la chanson va commencer. Ah. Les jeunes filles se dandinent, jouent pas de guitare à date. Non. Pourtant, j'entends de la guitare dans la chanson. C'est bon. Ça ressemble à moi quand je chante au karaoké. Ah! Miam miam sont en train de manger, ok. Hein? Est-ce que c'est là? Non. L'air, je reconnais l'air, mais j'arrive pas à remettre les paroles. C'est 8 Days a Week. Ah ben voilà. Donc Chan Po Chu. Chan Po Chu a aussi connu sous le nom de Connie Chan. Il était la plus grande sensation adolescente des années 60 à Hong Kong. Donc ça, c'est un clip d'un de ses films, d'un de ses nombreux films, où elle et ses amis utilisent cette musique-là pour distraire un gardien. Donc alors qu'ils essaient de sortir de prison à ce moment-là. Et ça fonctionne parce que le gardien de sécurité est vraiment heureux d'entendre ça. Il se dandine aussi. Yeah. Ça a fonctionné. Les chippies. On s'en va en Inde maintenant pour la prochaine chanson. Attention, JP, devinette encore. Plus facile, ça. Oui. Ah. Tere ye aankhein matwali, tere ye hoton ki lali, बड़ी हो जैसे मैं की प्याली तुझे कुर्बान जाऊं तुझे कहां जाऊं आज पाजली c'est là c'est quoi ouais c'est je suis pas certain du titre mais c'est Hard Night là où il y a Hard Day's Night c'est ça. It's been a hard day's night, exactement. On n'a pas beaucoup d'informations sur la chanson, mais c'est par Mahendra Kapoor, dont la voix est dans plusieurs films bollywoodiens depuis des décennies. Donc, c'est ça, c'est du beatnik qui tape des mains, solo de sax, chanteur-choriste masculin, et des whoop, puis des whoop, whoop, whoop en arrière qui ont l'air tellement heureux. Donnez-moi des whoop, whoop, donnez-moi des whoop, whoop. तू जो हंसे फूल शर्मा के मुरझाए हो देख तुझे चांद बदली में छुप जाए तेरा हो जाए Da Giovanni. Oh, oh. Mahendra Kapoor et Kesari Minstri avec la version d'Inde de It's Been a Hard Day's Night. Voilà, c'est tout pour Assemblage Requis, c'est tout pour cette chronique sur Foot Palmarès. On remercie Marie-Laurence Audet. Oui, qui est venu nous parler pour sa chronique de la GEQTR. PCS Falardeau. Oui, qui est venu nous parler de la Luitre qui aura lieu ce soir, lundi, à 19h, chasse-galerie gratuite. 19h30? 19h30. Ouais, c'est pas ça que j'ai dit. 19h30, excusez. Allez-y à 7h, réservez-vous une place parce qu'il en manque des fois. Oui. Demain émission, Jean-Samuel Gay va être là pour nous parler de véhicules à roues dans PRNDS. Marie-Laurence Audet va être déjà de retour avec sa chronique Le Loisir, bien plus qu'un jeu. Mais dans un autre moule. Tellement. Et on va explorer notre côté osé dans la chronique pour un public averti King Sexy Time. C'est demain à Assemblage Requis à 6h30, toujours en direct à partir de 7h30. Plus tard aujourd'hui, assez fou, sur nos ondes, à 11h, c'est le dîner de con avec Danny Janvier. À 13h, les précieuses ridicules. 16h, à vos micros. 17h, Radar Jeunesse. 18h, Raconte-moi ta ville. 19h, le voyage insolite. Et à 20h, c'est Rock de Neurones. Dans quelques instants, dans moins de 30 minutes, ce sera Steve devrait arriver, l'émission de variété. Et voilà, Steve.ca pour la programmation complète, et les entrevues et les photos. Assemblagerequis.com pour les balados de diffusion et les notes de notre émission. Oui, à demain, JP. Salut, Mathieu, à demain. Bonne journée.